Du aus Misch. Du aus Misch. Du aus Misch. Du aus. I love the way you work. I love the way you talk. I love the way you walk. Rammstein. Ah, we say that Rammstein. In a Rammstag. Du hast mich. Du hast. Allez, vas-y. Un petit coup de techno, là. Vas-y, mon ami. Lance. Du hast. Du hast mich. Du hast mich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du hast mich. You live in Little Town, Delhi. You live in Little Town, Delhi. Little Town. Ah oui, avec la petite réverb qui va bien. Il est venu le temps d'aimer. Mmh.